FrenchPod.com. Je me suis assoupi. Où est passé Robot? Je ne sais pas. Il a disparu. Toi, tu avais encore la tête en l'air. Je t'avais pourtant demandé de garder un œil dessus. Désolé. C'est vrai que j'étais dans la lune. On va le retrouver. Viens, partons à sa recherche. Robot! Robot! Robot! Tu as entendu? Oui, cela vient de ce trou là. C'est bizarre. Je connais bien ce coin. Il n'y avait pas de trou ici avant. Non, il y avait un arbre. Un pin, si je me souviens bien. Regarde, il a été foudroyé et déraciné lors de la dernière tempête. Il a laissé place à ce trou béant. Qu'importe! Robot est là-dedans. Il faut aller le chercher. Viens, faufilons-nous à l'intérieur. Mais il doit faire noir comme dans un four là-dedans. J'ai des allumettes. Allez, ne fais pas ta poule mouillée. On va se glisser un par un. Écoute, les aboiements se font de plus en plus clairs. Le voilà, Robot! Il ne peut pas bouger. Il a dû se blesser à la patte. Allume les brindilles et les morceaux de bois que nous avons ramenés. J'ai besoin de plus de lumière pour lui faire un bandage. Marcel! Regarde! C'est magnifique! Quoi? Regarde! C'est peinture rupestre! C'est sensationnel, Marcel! Je crois qu'on vient de faire une découverte historique.